Donc maintenant, du coup, maintenant, on va peut-être passer. Oui, c'est, je reprends les commandes. Les rênes de l'émission. Les rênes de l'émission. J'ai pas de blague. Sven, comme ouais, dans La Reine des Neiges. Hello. Donc, je pense que nous pouvons ouvrir les volets parce qu'il fait jour aussi. Oui. Ouais. Oh, les vampires. Il fait bien gris. Bon, on le voit pas à l'écran, mais il fait bien gris dehors. Ouais, c'est juste sur X. Donc, vous allez pouvoir admirer le beau. On va peut-être pouvoir présenter le nouveau venu qui est parmi nous. Guillaume. Oh, Guillaume. Les gars, pour vos jeux, c'était très marrant. Je ouais, beaucoup, c'est oui. Super. Vous pourrez venir quand vous voulez. Genre, est-ce que dans 2 heures, vous pouvez faire un jeu ou pas? Non, dans 1 heure, parce que moi, je dois faire le quiz de fin, mais il n'est pas prêt. Il y a toujours moyen d'improviser un truc. Ouais, non, oui. Peut-être. Ça va, Stéphanie? Donc, du coup, Guillaume, introduis-toi. Ça commence formidablement bien. J'aime bien. Introduis-toi, présente-toi aux gens, dis-toi que tu t'appelles Guillaume et que tu es très content d'être là et que c'est super. Montre-toi à la nation, la caméra est là. Et surtout qu'à 9h, en fait, de 9 à 10, on a rien prévu. Du coup, c'est devenu le Guillaume Time. Ah, voilà. Alors, du coup, bonjour tu à vas tous, nous parler Guillaume de ce Time que tu sur la nuit anonyme, enfin le matin anonyme maintenant. Le morning anonyme. Alors, je vais vous parler pendant 3 heures de la reproduction des tons d'eau douce. Voilà, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un dans l'assemblée, mais voilà. Donc sinon, je m'appelle Guillaume, mais j'aimerais bien avoir une cornemuse. Donc si quelqu'un en a une, bah voilà. Et je m'appelle Charlie, et tu t'appelles Lulu. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est d'avoir un débat nul. Quoi ? Sur les M6 clips. Non, bon, non, soit sur les AMV, parce que c'est toujours rigolo de. Oui, bah je vais y aller. AMV. Ah, t'y vas toi ? Ouais. Ah merde, on perd un. Ah, sérieux, on perd deux savoureux là, c'est la, ouais, c'est la demande. Le dernier savoureux en place là, merde. Ouais. Et on perd un compagnon de. Un bon compagnon de palabre. Raphaël, tu vas chez toi là ? Ouais. Tu peux m'amener mon sac et mon manteau qui sont posés dans, contre le mur, s'il te plaît. On perd un bon compagnon de palabre pour en trouver une nouvelle compagnonne de palabre, mais tout aussi réconfortante. Avec nous. Ouais. Et je suis entre deux nonnes. C'était pas très mademoiselle.com tout ça. Wow. Moi je me sens moins bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce qu'il y a des gens qui sont chauds pour le croissant. Non, vas-y, tape dedans, ça fait-toi plaisir. J'espère que ça vous aura plu que d'avoir amené ce petit déjeuner. Merci. Oui, merci Eve pour ce petit déj d'ailleurs. Parce que je savais pas. Parce que il y avait aussi plaisir. Les boîtes uniquement avec des croissants ou uniquement avec des pains au chocolat. C'était bien ce... Et je me suis sentie bête parce que là j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont préférer ? Ouais, mais c'était bien ce petit florilège de, voilà. De viennoiserie. Et surtout ce petit jus orange pêche abricot qui ouais. Est absolument magique. Tout à fait. Bon, du coup, je vais ouvrir le débat. On dit pain au chocolat ou pain au chocolat ? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Non. Ou chocolatine. En fait, chocolatine, ça vient du fait que les Anglais ils disaient chocolatine. Croissant, chocolate croissant. Ils disaient chocolatine bread. Ouais. Et du coup, on a dit chocolatine. Fait, putain, chocolatine. De patriote américain, c'est tout le monde. Chocolatine n'existe plus. Non, mais en fait, le mot chocolatine n'existe plus depuis 40. Voilà. Non, en fait, il n'a jamais existé. Voilà. Donc, faut vivre avec son temps, les gars. Hein, voilà. C'est tout. Et alors, la robe, vous l'avez trouvée blanche et or ou bleue et noire? Ah oui, non, c'est vraiment, c'était relou ça. Comme oui, débat noir, ça. Bah en fait, ça dépendait moi, blanche et... ça dépendait de l'inclinaison de mon écran. Bah, oui, tout bah, à fait. Ça dépendait de lumière, mon en fait, cerveau, quoi. C'est tout. Genre, je pouvais me concentrer et essayer de voir l'autre ouais, couleur. Ça dépend ce que tu avais en tête, en fait. C'est ça. Ça ferait un bon test d'Aurore Chat. Ça serait drôle. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu The Watchmen? Oui. Encore. Est-ce que vous aimez beaucoup ce film? Oui, il est pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce film. Il aurait dû être réalisé par Terry Gilliam, c'est la base. Un peu long par moment. C'est vrai, un peu long par moment, mais l'ambiance et est... Et la bande originale est vraiment bien. Il paraît. Oui, tout à fait. Non, mais je tiens à le dire. C'était bien comme meublage. Et le voyage d'Arlo est également est un on l'a pas très vu, beau non, film. On l'a pas allez vu, mais en fait, voir. On n'a pas envie de la le voir. La musique aussi est très, très sympa. Okay. Alors, moi, je vous propose de parler, de faire un petit jeu rigolo qu'on aime bien faire on maintenant. On aime bien les jeux. Qu'on a un peu un pas dans le showbiz. Oh, merde. Je vous propose de faire le jeu du « À combien vous êtes deux ?» Alors, je vous explique. Moi, je suis à 3 mains de George Lucas. Ah oui. Voilà. Moi, je suis à 2 mains d'Eminem. Et pourquoi ? Parce que j'ai serré la main à Jim Sheridan, qui a serré la main Nathalie Portman qui a serré la main à George Lucas. Techniquement parlant, je suis exactement au même niveau que Mathias. Oui. Du coup, en fait. À trois mains de Clapiche. C'est bien. Je suis à une maman de Joystar. Une maman. Genre, t'échanges tes mamans. Non, mais parce que ma maman, elle a mangé avec lui au restaurant, alors je sais pas comment exprimer ça. Ah, mais t'as ça. Une main de Joystar. Mais peut-être qu'elle lui a pas touché la main. C'était pas juste non, une main, c'était toute la maman. Ouais, parce que là, c'est un peu bizarre. Ouais. Je suis à une maman de Joystar. Ma à trois bises de Tsonga. Je crois que j'ai la meilleure, je suis à une bise de Philippe Candeloro. Waouh wow. Donc à deux de Nelson Montfort. Je suis à une main de Kev Adams. Ouais, donc à deux de Black M. Et donc à trois de Maître Gims. Avec Alan, ah putain, j'ai le même ratio. Mais pourquoi elle vient d'où ta main, Kev Adams? Parce que... Ah non, c'est Giovanni. Giovanni, le journaliste du RFC Film Festival, qui du coup, une fois, il a fait une interview de Kev Adams qui lui a serré la main du et l'étalonneur qui était là a fait la colo pour Aladdin. La coloscopie. On était heureux de le savoir. Oh oui, monsieur. Et du coup, voilà. Ça m'avait émerveillé ma journée. Quand il a dit ça, j'ai fait yes. Oh ouais, mais Je suis à deux mains de Bertrand Cantat. Non, à une main de Bertrand Cantat. Oh. Et donc, t'es à deux mains du visage de sa femme. Hein, c'était pas sa femme. On arrête de revenir là-dessus, c'est tout. C'est terrible. C'était drôle. Bon, voilà, maintenant qu'on s'est un peu pété parce qu'on est un peu dans le showbiz, je vous propose un jeu pyramide. Ça vous va ou pas? Ouais. Expliquer le principe. Faut que tu réexpliques parce que. Alors, c'est un jeu, c'est très simple. On dit des mots. Oui, ça va être du meublage complet. Hein. Je vois ça, ouais. 55 non, mais tu veux pas genre faire un hasard. Débat parce que. Mais j'en ai pas, je vais faire un pyramide, ça va faire chier tout le monde. On fait un pyramide pendant 10 minutes. Ouais, non, parce mais que on fait un pyramide et puis si ça va pas, on fait un débat. Le jeu des mots rigolo, c'est comme vous voulez. Ça, c'est piqué concept à l'Union. Ouais, ça, ouais. Non, c'est rigolo. Le jeu des mots rigolo, à mon avis, ça va être. Ouais, autant faire une pyramide. Alors, pyramide, ça va être simple. En gros, tu dis des mots qui ont rapport avec celui d'avant. Ok. Mais ça peut être tout et n'importe quoi et ça peut vite être très drôle. Et celui qui se trompe, il dit quoi? Il dit rien. Il dit juif, ferme sa gueule. Oh, pourquoi juif? Qui a dit ça? Juif, là qui est lancé? C'est pas très. C'est pas très. C'est pas très Charlie. Attends, écolo, juif, musulman, voilà. Chrétien, c'est bon, j'en ai dit trois. Ouais, c'est bon. Allez, et on n'oublie pas commence que dimanche, s'il faut aller. Moi, voter. Je dis sac plastique. Je dis course. Argent. Or. Ah non, je vais pas le sortir, ce serait pas gentil. Trésor. Île. France. Parce que l'île de France. Ouais. Non, mais à chaque fois, tu es obligé de justifier. Bah, justifie parce que sinon. On avait compris en fait. On comprenait pas. Bah ouais. Bon blanc. Bah ouais, c'est tout. Du tout poc. Et ça, c'est. France, du coup. Eh bien. Mais attendez, je vais juste dire un truc parce que on en parlait tout à l'heure. C'est parce que non, je vais pas vous dire. C'était l'intervention utile de Mathias. Ok. Vous savez que quand vous touchez la main de quelqu'un, vous touchez un peu sa bite. Ok, vous voyez? Ouais, je vois. Ça devient très glauque quand on y pense. Voilà. Et donc, imagine que tu fais les bises à une fille qui est en relation de couple depuis longtemps et qui a fait une gâterie à un mec. Du coup, t'es à une joue. De sa bite. Du bite de son copain. Ouais. Il a été ravi d'apprendre ça à Mathias hier. On a trop rigolé. Tu peux faire des trucs un peu bizarres. Si tu as bien si fait d'interrompre le jeu pour en parler quoi. Si tu touches le mal. Non, je vais pas dire ça parce qu'on est à l'antenne et elle nous écoute. Mais c'est difficile. Bon, c'est pas grave. Utilise un pseudo. Si tu touches les touches de l'ordi de quelqu'un, mais tu touches. Le zizi de quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que si on commence à réfléchir comme ça, on s'en sortira plus. Ah non, mais c'est par merci. Les mains. Ah ouais. Bon, alors, moi, je reviens à France. Moi, je reviens à France. Moi, je reviens au jeu. Et je dis frites. Tout le temps. Voilà, parce que les frites, French fries. Baraque. Frites, baraque. Ah, baraque à frites. Bah, Obama. Ouais, bah, terrible. Du coup, on revient à frites avec McCain. Oh. On fait un cercle vicieux, là. Retourne à frites, allez, on est reparti. Enfin, allez, patate. On fait deux fois le même jour, c'est la règle. Patate. Patate. Martin Wittberg. Oh, j'adore. C'est quoi? Et quand on comprend pas, il justifie. C'est vraiment un dessinateur qui fait des. C'est un dessinateur qui dessine des Monsieur Patates, en gros. Des Monsieur Patates? Ouais. Ok. Il est très drôle. Pixar, il travaille pour le monde. Parce que il y a un Monsieur Patate dans Toy Story. Merci. De rien. Animé. Animé. Miyazaki. Bah, un Totoro. T'as l'air blasé. Voisin. Véronique. Il faut que tu me lances sur des trucs drôles. Sanson. Sanson. Bah, fun quoi. Ah putain, je croyais Sanson le. Bah, Véronique Sanson, mais du coup, sans le son, enfin, à fun. Le jouet, c'est le mot. Voilà. La rigolade, quoi. Bon, muet alors. Muet. Ça vous va, muet? Véronique, muet. Chaplin. Putain, j'allais le faire du coup. Il faut que je trouve. Il veut des blagues, lui. Qu'est-ce que je fais comme blague avec Chaplin? Chapelure. Chapelure. C'est drôle, ça, c'est ton idée. Mais aucun rapport, mec. Aucun rapport. Non. C'est bien parce qu'il le répète en mode ouais, c'est bon, j'y crois. C'est ça. Un chapelet. Mais ça aucun rapport. Non, mais toujours, c'est juste tu joues sur les mots. Charlie. Trouve-moi une blague avec Charlie. Ah, ouais, c'est ah bah alors, je vais en trouver deux déjà. Où suis-je? Oh. Ouais, mais je rebondis comment là-dessus, moi? Avec un ballon. Bah, t'as qu'à dire un lieu. Avec une carte. Ouais, dans ton cul. Ouais, parce que... Ça, c'était. Oh, mais non, okay. Mais non, mais là. Petit quand même. Ouais, c'est clair, c'était pas. Bah. Ta gueule. Serré. Cul serré. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi tu ouais, j'avais envie de confirmer ça. Oui, alors pourquoi là tu l'as pas justifié du coup le terme serré dans le contexte actuel? Bah, c'est juste que voilà, j'avais envie de dire ça, j'ai le droit de dire ça. Hein. Ok, cul serré, une nonne. Il a dit quoi? Une nonne. Ouais. Effarouché. Effarouché. Comme ça, je me pose ce que je peux trouver avec effarouché. Effarouché. Merci, si je te dis effarouché, tu me dis quoi? Comment? Si je te dis effarouché, tu me dis quoi? Effarouché, déçu. Quoi? Déçu. Tu fais quoi en pyramide? Ouais. Ah. Le comblage. Déçu, je t'avais demandé des trucs drôles. Mais ouais, mais on va changer de place. Et bah, dessous. Mais y'a aucun rapport, mec. Bah si. Parce que il est déçu parce qu'il a pas les sous. Ah. Ouais, vite fait. Non, je disais plutôt déçu et dessous. À côté. Ah, ouais, excuse-moi, voilà. On a pas eu de fille. C'est pas grave. Parce que les filles d'à côté. Oui, oh. C'est une série nulle. Gérard et les filles d'à côté. Le trottoir. Parce que les filles sur le trottoir. C'est quoi cette vision de. T'as le droit de dire fromage. Non. Parce que c'est du fromage et des putes. On dirait de la viande et des connards. Mais micro. Ah. Trottoir. J'arrive pas. Macro. Pénis. Je croyais que t'allais rebondir sur un poisson. Il aurait dit n'importe quel mot avant, il aurait dit pénis. Ouais, penis. Oh, mais c'est vrai. Attends, j'ai pas fait cette intervention donc le début de la soirée. Tu valides ton. Ah, je valide le pénis. Son pénis. Oh, putain, mais qu'est-ce que je vais dire? Penis. Protubérance. Oh, voilà, d'accord. Moi j'aurais dit pénicilline. Mais y'a aucun rapport, mec. Regarde-le, pénicilline. C'est incroyable. Protubérance, t'as dit? Ouais. Orgueilleux. Orgueilleux. Dicop 21, Dicop 21. Oh. Président. Voilà. Tous les Français. Tous les Français sont. Moi j'aurais dit fromage. Ouais. Tous les Français, c'est pas un mot. Je suis désolé. Ouais, mais dans ton cul, c'était pas un mot et où oh suis-je, putain, tous les Français. Toutes les Français. Tous les Français. Visiblement, ils ont trouvé un jeu plus marrant. Moi, je propose qu'on change de jeu du coup et qu'on fasse l'équivalent du jeu du Johnny Depp, mais avec juste à la suite en fait. C'est quoi le Johnny Depp? C'est Johnny Depp des. Mais justement, non. En fait, on donne le prénom d'une célébrité par exemple, nom de famille ou prénom. Ouais. Et celui, le suivant doit reprendre ce prénom et rajouter à la dernière syllabe du prénom, enfin un autre prénom. Par exemple, si je dis Johnny et bah tu mets Johnny Kim Minaj, tu vois. Et puis après, ça continue comme ça. Johnny quoi cool. Johnny Kim Minaj. J'ai pas compris Kim Minaj. Nicki Minaj. Et Johnny. Genre le mélange de Johnny et Nicki Minaj. Mais c'est qui Nicki Minaj ? Mais c'est une chanteuse de merde. Mais t'es sérieuse ? Non, c'était pas objectif. Mais, ouais. Mais arrêtez, moi je connais des trucs que vous savez pas. Ouais, on attend depuis le début de la soirée. Hein. Bernard Lavilliers. Et bah. Bon, du coup, on commence par quoi ? Jean-Luc Mélenchon. C'est déjà trop long. Bon bah, Mélenchon. Mélenchon, tout court. Mélenchon, donc faut recommencer avec Chon. Faut commencer avec Chon. Ou Lanchon si tu trouves, mais alors. Putain, Chon. Tu lui as donné le plus dur. Quoi. Attends, mais je suis chaud pour. Je suis sûr qu'il va faire un putain de jeu de mots. Jean-Luc Mélenchonapan. Mais non, c'est pas un nom, Chonapan. T'es con. Faut l'excuser. Bon, allez, attends. Non, on va commencer plus simple avec Mireille Mathieu. Allez. Mathieu Chédid. Voilà. Voilà, t'as nickel game mais en deux. Mais Didier Bourdon, enfin. Didier Benyro. Mathieu Chédid. Mais attendez, j'ai pas compris. Mathieu machin, ça marche pas, Mathieu Chédid, du mais coup. Mais si, parce que Mathieu Chédid. Bah, elle a repris carrément tant Mathieu, tu vois. Que je reprends la fin. Parce que ouais, reprendre que Thieu, vas-y, tente-le. Voilà. Mathieu Ride Hermite. Et, Et c'était quoi la fin de l'autre Bourdon. Bourdon. Bah ça mais c'est pas la fin. Il n'y a jamais la fin. Dominique. Oh, oh, putain. Je comprends pas votre jeu. Putain, mais. Ok, bah. Tu connais pas le trois petits chapeaux de paille à somnambule Tintamarre, tout ça là c'est... Bah si, non, mais je vois le concept. Bah, c'est là, ça... Enfin, je sais pas. Dans... Ouais, ok, bref, donc vas-y. Excuse-moi, je vois pas le concept de ton jeu. Il n'y a pas de but vraiment, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Enfin, il n'y a aucun intérêt pédagogique. Il y a de la moquerie dans l'air. Merci. Allez, enchaîne, voilà. Passe la deuxième. Bah, j'ai dit. Je m'en rappelle plus. Bourdon. Bourdon, donc là, faut que je recommence avec Yé ou avec Don. Non, avec Don. Avec Don, c'est avec la fin du truc. Donc tu dis Didier Bourdon et t'enchaînes directement avec Didier Bourdon qui chatte. Voilà. Oh, bien. Ah, oui, je l'avais pas vu. Voilà. Alors, Mathieu chez Didier Bourdon qui chatte. Je propose, tu peux redire que le dernier. Ouais, parce qu'après, ça va être relou. Qui est Shutter Island. Otto Sanders. Don Quichotte Otto Sanders. Hein. Oui. Donc, c'est pas moi, oui, ça passe. C'est quoi la fin du truc, donc Don Quichotte Sanders. Otto Sanders. Ouais, c'est bon. Anderson. Mais faut reprendre du début, hein, sinon ça... Mais non, on a dit qu'on s'en foutait. Ce qui est drôle, c'est de trouver les noms. Oh ouais, ouais, on est là pour la ventrade. On a quand même une nuit blanche dans les patounettes. Et on se calme. J'ai toujours pas pioncé, moi. Ah, il va faire beau aujourd'hui. Il y a du ciel bleu. Regarde, ça se découvre. Fait beau. Merci pour l'instant météo de Mathias. Mais de rien, c'est un plaisir. Anderson Wells. Oui, c'est un peu bizarre. Wells. Tu peux dire Wallace si ça peut t'aider, mais je pense Wallace. Que t'aider. What else? Wallace. Hey, Gromit. Si je peux le faire avec genre un accent, genre Wellspace. Moi je dis oui. Moi, je donne allez, je yes. Non, c'est Smith. Wellspace. Est-ce que je peux dire Smith Jean-Baptiste? Quoi? Le vrai nom de Johnny Hallyday, c'est Jean-Baptiste Smith. C'est Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe. Non, c'est pareil. Jean-Philippe Smet. Ouais, c'est Jean-Philippe Smet. Putain, oui, en plus, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans le cours de Sally. D'accord, joli. Alors, Smet Jean-Philippe. Philippe ou Hip ou P. Smet Jean-Philippe Catherine. Oh, oui. Oh, joli. Philippe Catherine et Liliane. Mais c'est pas un prénom de. Mais si, mais c'est de la fiction, c'est quand même des personnages fictifs. Ah, pardon. Liliane. Bah, Liliane et José. C'est lui qui t'a fait des duos comiques. Ah non, mais c'est relou. Bah, non, mais t'es en cours. Ouais, j'y pensais en fait. Mais je sais pas. On peut prendre n'importe qui, c'est pas forcément. Liliane qu'aujourd'hui, j'aime bien. Ça marche qu'à moitié. Mais ouais, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est qui Les jeux de mots sont tolérés. Les jeux de mots sont tolérés. Le créateur de Bref, celui qui joue Bref. C'est pas faux. Voilà. Avec bloqué. Donc nous étions alliés. À Kojandi. Voilà. C'est monsieur qui est là. Kojandi. Ah, Kawan. Oh, Qu'est-ce que j'en dis ? Qu'est-ce que j'en dis, moi ? Bon, du coup, c'est à toi, il y a un énorme blanc. Là. Mais c'est moi qui ai dit qu'au janvier en fait. Mais non, c'est toi qui. Attends, ah non, et lui, m'a aidé à le trouver. Ah ouais, excuse-moi. Ah oui, c'est moi. Donc tu m'as regardé comme un con. D'accord, désolé. Il est parti où le petit jus. Il est là. Il s'est fait cartonner en direct. Il est par terre, il est mort. Cogendie de Marley. Hein. Moment d'incompréhension. Non, mais tu peux nous la refaire ami, en fait. Ouais. Ouais, Cogendie de Martin. Cogendine Martin Garcia. Cogendie Garcia. Non, vas-y, moi je reste sur le Martin. Cogendie Martin. Martin va à la plage. Martin Aubry. Oui, j'y avais pensé, mais je me suis dit, tu vois, c'est trop facile. Comme il y a Mathias à côté de moi, non, moi je lui donnais des trucs bien. Comment tu fais pour repartir avec Scorsese, quoi? Et Aubry, c'est plus rigolo. Regarde-le. Brigitte Bardot. Ouais. Oh, ah. Brigitte Bardot. Aubry Rico. Non, on est sur Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Ryan Gray, de ministre Oscar. Bah, parfait. Parce voilà. Que j'en ai pas d'autres. La dépression dans le regard d'Elio qui se dit putain. Dominique, j'en ai pas d'autres là. Si j'en trouve un, on le prend. Mais là. Dominique. Quelqu'un veut de la céréale. Et après, je vous propose que dans 10 minutes, on se lance un petit débat. Donc je vais chercher pendant 10 minutes. Moi, j'ai un sujet si vous voulez. Ah, très bien. Bon, il a un sujet. Mais si après on peut quitter le game et... On se propose que pendant 10 minutes, on fasse un blanc, on attend qu'elle trouve Dominique. Ouais, non, mais non, c'est pas à moi, c'est à Elliot. Mais non, on fait le débat pendant ce temps. On attend que Eve ait compris le jeu. Bon, non, faut arrêter. Non, merci. T'en veux, Mathias? Pardon. Dominique, un autre Dominique, mais... Strauss-Kahn, c'était très bien, pourquoi? Ouais, mais prends Strauss-Kahn. Parce que c'est hyper dur. Mais c'est pas bah non. Dur, il va rebondir, c'est bon, il fera un jeu de mots. Il va faire Kahn Cogendie. Bah, ouais, mais allez, après, ça va faire une image. Je sais. Strauss-Lévy. Sinon, on peut lancer le débat, Kahn, si vous voulez. On peut lancer le débat. Si vous pensez que ça va être long. Ce sera peut-être plus intéressant et constructif, oui. Ouais. C'était quoi ton débat, Guillaume? Alors, c'est quelque chose qui me tient carrément à cœur et j'ai pas eu l'occasion d'avoir beaucoup la vie des gens. Du coup, c'est une bonne histoire, enfin un bon moment pour le faire. Du coup, c'est à propos des expériences post-mortem que des millions de personnes vivent et dont témoignent. Enfin, je pense que millions, c'est un peu exagéré, mais il y a beaucoup de personnes qui témoignent de la même chose. Je suis dans la compréhension totale. J'ai une question post-mortem. Comment ils font pour témoigner? Non, mais non, post-mortem. Parle de votre micro. En fait, ils ont une expérience. Oui, après. Alors, Guillaume, je te rappelle qu'on a tous une nuit blanche dans les papillettes. C'est vrai. Je vous parle alors. De post-mortem et j'ai lâché après ça. Les enfants, écoutez, dans la vie, des fois, il y a des gens qui ont des accidents. Ouais. Ah oui. Qui les mettent dans un coma profond ou dans un état de... Bah, ils sont pas morts du coup. Ils sont presque morts. Oui. Et en fait, en gros, y a des personnes comme ça qui expérimentent quelque chose de post-mortem, mais qui reviennent à la vie après, en fait, ou qui sortent du coma ou qui sont réanimés. Mm-hmm. Et du coup, ces personnes, y en a beaucoup qui témoignent de la même chose. Qu'ils ont vécu une décorporation, donc le fait que leur esprit se retrouve au-dessus de leur corps et qu'ils deviennent omniscients dans l'hôpital, enfin, ou s'ils sont dans un hôpital ou quoi, et qu'après, ils vivent une expérience aussi un peu spéciale où ils se retrouvent vraiment dans un endroit, entre guillemets, cliché du tunnel avec une lumière blanche et tout. Mais au final, en fait, il y a énormément de témoignages trouvés par où des médecins recueillent des témoignages de plein d'endroits différents. Et il faudrait que je retrouve le nombre exact de personnes, mais il y a vraiment énormément de gens sur tous les continents qui ont vécu ça. Et du coup, voilà, je voulais avoir votre avis. Parce que je te renvoie au film Let Me... Non, c'est pas Let Me... J'aurais dit Enter the Voice. Non, Stay Alive, je crois. Non, c'est pas Stay Alive. Non, pas du tout, c'est une chanson, ça. Oui. C'est aussi un film pourri, je crois. Bon, il y a un film qui... Stay, je sais plus quoi. L'expérience interdite. Il y a un film avec Chloé Grace Moretz où elle joue du violoncelle. Aladdin. Non. Et du coup, elle a un accident de voiture, c'est la seule survivante de cet accident. Ah oui. Bah, c'est Let Me In. C'est le remake de Morse. Non, pas Let Me In. Est-ce que quelqu'un peut chercher sur internet? Non, c'est un remake américain. Là, il y a un remake américain avec Donc c'est un film, un vrai film véritable avec des vrais acteurs dedans, mais il est pas très bon. Et du coup, c'est la seule survivante de l'accident de toute sa famille. Et du coup, elle voyage, son esprit voyage pendant son corps. Et tu as accès à des flashbacks, des machins, des trucs. C'est un film de dimanche pluvieux quand t'es très fatigué. Voilà, d'accord. Autrement dit, un film chiant. Bah, Hunter's the Way, c'est exactement ce que tu dis. C'est déjà vu à la première personne. Mais c'est plus le sujet de la drogue, Hunter's the Way. Enfin, représenter de façon. Non, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi l'histoire de la décorporation. Ouais, totalement. Mm-hmm. Ouais. Mais est-ce que ces personnes qui ont témoigné, elles avaient connaissance de ces témoignages avant? Justement, il y a. Il y a des tas de personnes qui ont... Enfin, j'ai regardé pas mal de reportages là-dessus et tout. Et il y a des gens qui ne témoignaient pas parce qu'ils avaient peur du regard des gens autour et qui vont dire « Mais attends, tu te fous de ma gueule, genre t'as vécu ça, t'étais dans le coma, ta gueule. » Enfin voilà, c'est vulgairement comme ça. Et en fait, il y a des gens de plusieurs continents différents qui n'avaient rien à voir, qui ont témoigné de la même chose, des docteurs qui ont commencé à faire des recherches et qui se sont rendus compte qu'en fait, il y avait d'autres docteurs dans d'autres endroits qui avaient reçu les mêmes témoignages. Et du coup, il y a plus de gens qui en ont témoigné. Et le truc, c'est que tu interviews plein de personnes différentes. Mais si ça avait été 10 personnes qui avaient vécu la même chose, tu pourrais dire, ouais, bah, c'est bon, c'est une histoire, c'est un fake. Mais le fait qu'il y ait vraiment un nombre énorme de gens qui témoignent de ça et qui disent les mêmes, enfin, qui utilisent un peu le même vocabulaire et qui décrivent à peu près la même chose, même s'ils n'ont pas tous vécu de la même façon, mais c'est quand même. Ouais, mais du coup, on pourrait croire qu'ils répètent tout simplement. Bah, justement, c'est le fait qu'il y ait autant de gens. Salut Raph. Au revoir Raph. Au revoir. Je peux mettre un dernier petit bah coup. Vas-y, prends le mic. Attends, je le mic. Au revoir à tous. Au revoir à vous. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette première nuit anonyme. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bah ouais, c'est clair. Parce que c'était vachement cool, même si j'ai pas tout vu. Ça m'a grave plu de parler avec vous. Et du coup, j'espère qu'on se refera ça et continuer à suivre les savoureux dans leur grande épopée épique. Pour la quête du Graal et je vous fais des bisous et à la prochaine. Et j'espère qu'il y aura un biopic. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve bientôt si Cthulhu n'est pas arrivé sur Terre. Bisous. Salut Raph. Très bien. Des bisous. Ouais, et du coup, ce que je disais, c'est que il y a vraiment ton micro. J'ai pas les chiffres en tête et c'est ça qui m'énerve parce que je peux pas. Appuyer plus que ça, mais il y en a beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens et d'univers différents et qui n'ont pas forcément de contact et ça fait je crois une dizaine d'années que ça commence à être étudié et pris au sérieux surtout parce qu'en fait avant les gens écoutez vous étiez dans le coma, vous avez eu une hallucination, voilà, mais le recueil des témoignages viennent de plein d'univers, d'horizons différents, de personnes différentes. Et pareil, il y a des chiffres comme quoi tous les jours il y a des gens qui vivent ce genre de choses, qui en témoignent en tout cas. Je vous invite vraiment, parce que c'est un sujet qui est très intéressant à regarder. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est un complot. Parce que, non mais en vrai. Comme les twins. En vrai. Les gens qui tombent dans le coma suite à des accidents, théoriquement, ils seraient censés mourir au bout d'un moment parce que quand t'es dans le coma, tu peux pas manger, tu peux pas boire, etc. Sauf que nous, on les maintient en vie avec les progrès de la médecine. Et du coup, ce corps qui était destiné à mourir, finalement, il meurt pas. Et je pense que c'est possible que l'esprit pète un câble enfermé dans sa boîte et que comme on soit en état de végétation, parce que du coup notre corps il bouge pas et il y a que notre esprit qui est hyper actif, mais dans un corps mort entre guillemets, enfin maintenu en vie, et je sais pas, on accède à un espèce d'état ou à une espèce de truc au fond de notre cerveau, je sais pas quoi. Ouais, ça il y a eu des médecins qui ont émis la théorie pas exactement comme tu le dis, mais comme quoi les bah le l'esprit se fait un peu un film à lui-même en fait. Mais alors il y a les ce qui est un peu bluffant, c'est enfin il y a deux choses. La première, c'est que les gens qui témoignent, enfin qui sont tu sais qui sortent de leur corps en fait, ils ont réussi à noter des enfin à donner des détails de ce qui se passait à côté dans les autres pièces, de ce qu'il y avait des numéros qui étaient écrits, ils arrivaient à ils en parlaient après, ils disaient ouais, j'ai vu ça. Et deuxièmement, j'ai vu un témoignage, une interview d'une femme qui a vécu ça, mais alors qu'elle était en train de se noyer quand elle avait 14-15 ans. Et en gros, elle était en train de se noyer, elle a perdu connaissance, elle a vécu ça. Et au moment où elle se retrouvait un peu dans l'état, la deuxième ou troisième phase, où elle se retrouvait dans une espèce de lumière blanche ou quoi, elle a senti que quelque chose qui l'a tiré, en fait, son esprit était tiré. Et elle s'est retrouvée dans son corps et il y avait quelqu'un qui était en train de la ranimer, en fait. Et du coup, l'expérience, elle a duré, dans notre monde, elle a dû durer quoi, maximum 30 secondes, une minute. Et au final, elle a vécu plein de trucs. Et donc, c'est l'aspect de l'illusion du cerveau parce que le corps est maintenu en vie pendant des semaines et des semaines, là, pour le coup, ça marche pas. Mmh. Pour ce genre de témoignage. Bah après, je pense qu'il y a différentes versions. Il n'y a pas qu'une version qui se colle à tout le monde. Je sais pas, on peut pas, enfin, à l'échelle où on est actuellement, on peut pas définir ce que c'est vraiment la pseudo-mort, en fait. Je sais plus c'est quoi le terme. C'est une NDE, Near voilà. Death Experience. Voilà, merci. Parce que oui, du coup, je me suis un peu documentée là-dessus il y a très très très longtemps, mais j'ai perdu tout ce que je savais quand je me suis mise à lire du Bernard Werber. Est-ce que tu as lu, du coup, les Thanatonautes? Mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire, donc je te le conseille, il est génial parce qu'il offre une vision de la mort, du passage vers l'au-delà qui est assez intéressante, qui ne met pas en avant une croyance ou une autre, qui est vraiment une façon de penser que je trouve universelle. Mmh. Et oui, là, je parle bien en toute objectivité. Pour, ouais, et c'est, pour et ça vaut vraiment le coup parce que du coup, tu as tout l'aspect « mais qu'est-ce que ça va faire au monde ?» qui vient derrière. Est-ce que tu as lu du coup le... Bah, j'ai le bouquin en question. Mais tu sais de quoi ça parle en général? Tu as lu le livre? Oui. Non, bah non, je veux rien savoir dessus. Je sais juste que ça parle du sujet et que ça fait. Bah, franchement, lis-le. Et j'ai fait des petites recherches aussi. Et il y a un film qui est sorti dans les années 90 qui s'appelle L'expérience interdite avec Julia Roberts, je crois. Je ne l'ai pas vu. Et ça reprend cette même idée. Non, j'ai pas vu parce que Stéphanie, c'est une nouvelle savoureuse. Du coup, elle fait ses critiques de films. Non, je ne vais pas critiquer le film. Je ne vais pas critiquer le film. Je vais le recommander au contraire en disant bon bah écoute, c'est un film qui reprend la trame du livre et qui. Ah oui, c'est basé sur le livre de. Voilà, c'est un voyage à travers la mort en fait. Ok. Du coup, je t'invite vraiment à lire ce livre et à lire les Bernard Werber. Basé sur un truc totalement inventé ou basé sur des témoignages de gens ou des... Par rapport aux témoignages de gens que j'ai pu lire, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, par rapport à ce que j'ai lu dans les Thanatonautes, il y a une trame commune. C'est cet aspect de le corps inanimé, l'esprit ne peut plus s'en contenter à ce niveau-là de son existence, si je puis dire. Et du coup, le quitte et voyage vers un au-delà, happé par une lumière, et traverse un autre continent, comme ils le disent dans le livre. Et cette trame-là, en fait, est reprise partout. Mm-hmm. Partout, dans tous les témoignages, dans les fictions, et du coup, dans le livre. Et du coup, je me dis, si c'est une trame commune, c'est que... Comme tu le dis, c'est tellement répandu que... Tout le monde dit la même chose. Après, il y a une autre théorie, parce que les scientifiques, ils disent « Ouh, qu'est-ce qui arrive ? C'est pas possible. » Physiquement, c'est impossible. Et du coup, ils émettent la théorie que l'esprit serait peut-être transporté vers une autre dimension, en fait, oui. De notre univers, dont les propriétés physiques seraient très différentes des nôtres. Et du coup, ce serait... on peut pas avoir de détails, mais ce serait dans une autre dimension, assez différent. Une quatrième dimension. Cinquième, sixième, septième, tout ce que tu veux. Quoi. C'est une autre dimension de l'univers, pas dans le sens... Un petit peu comme dans Interstellar. Merci Mathias. Interstellar, un film... Ça me fait plaisir. Mais qui de Christopher Nolan. Renommé... Qui, rappelons-le, peut sauver l'univers grâce au pouvoir de l'amour. C'est Christopher Nolan qui a fait Interstellar. Oui, c'est Nolan. Mais je pense que par contre, c'est pas accessible à tout le monde. Non. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense parce qu'il y a certaines personnes, ça leur arriverait de tomber dans le coma et tout, ils pourraient pas. Ah oui, bien sûr, c'est pas tous les gens qui ont un accident. Ah non, j'ai. Ouais, ouais. Non, y a, quelqu'un y a qui serait dans les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions, je suis sûre qu'il y en aurait un sur les deux. Un sur les deux, non, je dirais, il y a peut-être un. Non, mais je veux dire, il y en a un à qui ça arriverait et l'autre à qui ça arriverait pas, même s'ils avaient exactement les mêmes choses. Dans ce cas-là, pourquoi plutôt l'un qu'un l'autre ? C'est un peu comme les rêves. Il y a des personnes qui rêvent beaucoup plus que d'autres. Personnellement, moi, je me souviens de quasiment tous mes rêves. J'ai plein de sensations. Je rêve en couleur. Je peux manger et courir et voler. Bah, moi aussi. Et tu ne peux pas mourir. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont là, genre, moi, je rêve en noir blanc, je ne me souviens pas de mes rêves, je ne me souviens pas de mes rêves. Du coup, je pense en fait c'est une faculté de pouvoir voyager dans son conscient et son subconscient quand on dort. Et que, du coup, les personnes qui sont le plus réceptives aux rêves sont susceptibles d'être les personnes les plus réceptives à cette NDE. NDE, oui. Ouais. Mais il y a aussi des gens, il y a un faible pourcentage qui ont vécu, qui ont témoigné aussi d'une NDE, mais une mauvaise NDE en fait, où ils se sentaient pas juste trop bien hors de leur corps et tout, et où en fait ils vivaient très mal. Il y a certaines personnes qui. Ah, un peu comme un cauchemar. Au final, exactement, c'est ouais. C'est le même principe. J'adore. Mmh. C'est beau. Mais du coup, comment ça se fait que c'est un sujet qui t'intéresse en fait Comment t'en es arrivé là J'ai envie de faire une blague pas drôle. Vas-y, fais une blague pas drôle. Et un peu noire. Vas-y, fais une blague. Parce que t'es tombé dans le coma ou pas ? Alors voilà, c'est officiel, j'ai vécu ce genre d'expérience. Nous avons rencontré quelqu'un, nous allons le rencontrer. Hello Guillaume ! Bonjour à tous, bonsoir messieurs, dames. We are here to talking about your experience. Nous sommes ici pour parler de votre expérience. Je vous reçois très bien. Je suis actuellement à 2 mètres de vous et je suis là pour témoigner. Donc juste à côté de moi, il y a ce cher Jacques et ce cher Elliot. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de ce cher Jacques et de ce cher Elliot, on a des nouvelles de Rémi ? Qui est censé venir. Rémi Bénédicte Cumberbatch. Qui est censé arriver dans 25 minutes. Magic Rémi. Soit il s'est encore endormi, soit je lui fais il est en coma. Il doit être là dans 25 minutes. Il a 25 minutes pour arriver. Donc oui, mais c'est ok. C'est mieux qu'il soit là avant pour se préparer un peu psychologiquement. C'est ça, parce que nous, on est un petit peu fatigués, donc un petit peu sur les nerfs. Ouais. Et que s'il est un peu casse-cou. En même temps, étant donné qu'on est fatigué, je pense que pour la séance d'hypnotisation, on est vachement. Alors, je tiens à dire qu'on est 4 à être écoutés. On est 4 à. Ouais. 4 personnes qui regardent. On fait des bisous à tous ceux qui sont là. Donc ça se trouve, il y a Rémi Magique. Et s'il y a Magique Rémi, viens ici. Se bouge le cul alors. Voilà, exactement. Commentez ceux qui regardent. Parce que c'est quelque chose aussi. On a un chat et tout et il y a personne qui parle. C'est un peu triste. Si, il y a Victor qui s'est fait insulter tout à l'heure, c'était très drôle. Pourquoi ? Pendant son truc de rap, il s'est fait insulter. C'est magnifique, c'était très Pierre, drôle. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah non, en fait, c'est un mec qui. Non, il lui a dit que de toute façon, il essayait de mettre du putain de rap de merde français et que de toute façon, c'était juste des blancs qui se prenaient pour des noirs. Voilà. Ok, d'accord. Hors sujet, le mec. Le mec. Vous êtes que des blancs qui se prennent pour des noirs. Regardez, on est passé à 3, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. C'est Rémi qui est parti en fait. Ouais, c'est Rémi. C'est qui a commenté ? Mais moi je suis Al. Voilà. Qui a commenté ? Ah mais attendez, c'est peut-être Perlwinkle, le superbe pseudo Perlwinkle. Je sais pas qui c'est Perlwinkle. C'est Perlwinkle. Mais merci de nous suivre. Donc que penses-tu toi du Perlwinkle ? Oui, parce qu'on en a marre de parler aux gens qui sont autour de cette table, on va parler à d'autres gens. Putain de merde. Ouais, c'est pour ça que tu donne-nous des bons arguments. Appelle-nous au 07 81 88 62 35 centimes la minute. Et si tu prends la boucherie, c'est pour un stage. Mathias, l'aider, paye tes factures tous les matins. Et tous les donc, soirs aussi. Donc, du coup, quelle on est a ta radio qui paye ton loyer ? Quelle est ta nuit anonyme ? Alors, on me signale dans l'oreillette que cette blague est beaucoup trop longue. Donc, moi, on me signale dans l'oreillette qu'il n'assume pas du tout le fait d'avoir traîné tout le monde là-dessus. Dans l'oreillette que vous n'avez pas d'oreillette. Je vous signale aussi dans l'oreillette que nous savons l'identité de Perlwinkle. Ah oui, c'est en fait mademoiselle Clara qui était présente hier. D'accord, très bien. C'est Clara ? Salut, c'est Clara. Oh, coucou Clara. Oh Clara, on voulait te réveiller ce matin et nous n'avons pas osé. Et elle a utilisé dans son commentaire le mot « wesh » avec un « u » au lieu du « w ». Je propose qu'on la bannisse. Un « wish » Non, on bannit pas. On bannit pas Clara parce que c'est quand même un bon élément de groupe. Oui, c'est pas faux. C'est vrai, ouais. C'est Clara. Clara, on l'aime bien. Ceci, et c'est une déclaration d'amour. On sait tous qu'elle a eu des soucis avec ses cheveux, oui. Alors qu'on respecte ça vrai. Et qu'on l'intègre. Regardez le début de la nuit anonyme. Comme elle est. Non, mais hey, j'ai été attentive, je ne me suis jamais endormie, jamais. Je n'ai pas dormi depuis ce matin. Moi, j'avoue, matin, j'ai tout écouté sauf leur fille. Voilà. Je... Moi, j'avoue, les En plus, c'était l'heure la plus intéressante. Bah ouais, mais en fait, il y avait plein de monde qui parlait tout le temps. Ouais, et dans le duplex, parce qu'on est en duplex, il y avait plein de monde qui parlait tout le temps. Du coup, on n'a rien compris. On a juste compris le super pouvoir de Clara qui est. Est-ce que vous pouvez me passer mon GSM intergalactique au spatial de l'espace Merci. Les mensurations de ses congénères féminines. Moi, elle a raté pour moi. Moi aussi. Et le deuxième truc qui est. Vous parliez et de. Et je tiens à préciser que nous avons écouté les 4 Empires aussi. Et ça, j'étais vraiment, vraiment contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent alors que c'est vraiment génial. L'Empire des chats. C'était le remix de Hotel California en français. Certes. Et je reviens d'ailleurs sur ce truc. Le groupe toulousain qui chante du. C'était quoi ? Du métal là, à Brassens. Du Brassens en métal. C'est pas de l'espagnol, mais de l'occitan. Ah oui, merci. Voilà. Mais ça a la même racine. C'est pas du métal. Tu vois. On soit d'accord. Oui, c'est du quepon. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais, ça va. Le psycho, s'il arrête. Hein, voilà. C'est non, bon. Je suis désolé. Ça n'a strictement rien à voir. Donc revenons sur le sujet des. Des morts. Les N2. Du coup, je devais raconter ma propre N2. Oui, ta propre N2. J'étais dans le kebab. Du coup, dans le kebab. J'étais dans le kebab. La tomate et la salade. Et là, il s'est dit putain, attends, je vais planter mon drapeau. Les sondiers chantent. L'expression qui doit tourner. Hein. On a un deuxième viewer. J'aimerais bien que le deuxième viewer fasse des commentaires. Arrête de stalker nos viewers, tu les fais peur. Ils vont avoir peur. Qui se manifeste dans les commentaires. Ouais, parce qu'on a marre de se parler entre nous. Ça fait 8 heures qu'on se parle ensemble. Donc oui, raconte-nous ton expérience. Donc alors j'étais tranquillement dans un kebab sur YouTube en train de chercher un kebab. Exactement. Je me suis dit putain, c'est pas la bonne plateforme. Du coup, j'ai été sur un site de kebab en ligne et j'ai commandé mon kebab. Voilà. Merci. Allo Resto ou pas ? Non, c'était un site de kebab en ligne, c'était kebab.com. Je salue tous ceux qui. Je salue Allo Resto parce que le CM il est cool, suivez-le sur Twitter. C'est quoi un CM ? C'est un community manager. Ah ok. C'est ceux qui te répondent sur Internet. Ouais, ça y est, ça je vois ce que c'est. Et qui en général ont une très bonne répartie. Oui, c'est pas faux. Parce qu'ils sont très drôles. Tu fais des petites blagues au CM toi ? Oui, parce que j'ai un pote qui est CM. D'accord. Parce que je pèse un peu dans le Mathias rêve d'être CM. Je pèse dans le game pas. De n'importe quoi. Excuse-moi, je connais des gens dans le CM. Ah. Clara. A mis un hashtag. Un hashtag quoi ? Hashtag plante ton kebab. Oh oui ! Déjà, il y a eu. Magique, déjà, merci. Au début de la soirée sur Bordeaux, c'était hashtag rideau à fleurs. Exactement. Je tiens à le dire. La soirée sur Bordeaux ? Au début de la soirée sur Bordeaux. De la soirée, virgule, sur Bordeaux, merci. Virgule, le hashtag, virgule, c'était. Non, t'as pas besoin de virgule. Voilà. Donc, revenons t'as sur. T'as dit le... quoi, Jacques ? Non, rien. Revenons sur ton kebab du coup. Donc voilà, j'ai pris supplément feta. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Non, c'était très très bon. Et c'est non, à ce moment-là que je me perdais dans les méandres du YouTube et j'ai eu une petite recommandation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Et il y avait marqué les expériences de mort imminente, avec un gros titre et tout. Ah non, c'est bon, et j'ai dit, je m'en fous, je vais cliquer dessus. J'ai cliqué, j'ai regardé le premier. C'était une sorte de liste avec toutes les choses qui ont été témoignées. Et j'ai vu une autre recommandation pour un documentaire dessus. J'ai regardé, qui durait genre 1h30 ou 2h. J'en ai regardé un deuxième. Ça m'a bien perturbé. J'ai réfléchi à plein de trucs parce qu'au final. Je me suis rendu compte que j'avais cours. Voilà. J'y étais toujours pas. Du coup, je me suis dit bon. Du coup, je me suis couché à 4h du mat avec un kebab dans le bide. C'est dire s'il le. À la feta. Il n'était pas à la feta, il y avait un supplément feta dedans, ce qui n'a rien à voir. Oui, mais je veux dire, il était aussi à la feta, du coup. C'est tout. Oui, pourquoi pas. Merci, Guillaume. Désolé. Voilà. Et du coup, je tiens à dire que dans un quart d'heure, nous passons au quiz de fin, préparé par moi-même. Oh. Mais le quiz de fin, c'est pas Magic Mike, normalement. Ah oui, normalement, c'est Rémi Magic. C'est pas oui, le quiz de fin avant la fin. Est à 11h, il n'a pas répondu. En parlant de faim, je commence à avoir la dalle et là je constate qu'il n'y a plus de croissants et plus de pain au chocolat et je m'en veux terriblement. Je demande le petit jus. Est-ce que quelqu'un a la pressade ? La pressade, je crois qu'il est mort. Voilà. Il est décédé ? Mais il reste un petit peu. Ouais, oh. Il y a un fond. Oh, j'adore. Bah, il y a grave un fond même. Il y a grave un fond. Hashtag il y a grave un fond. Es-tu dans la capacité spatio-temporelle et physique mentale de me passer le gobelet, s'il te plaît ? Je vais te demander le gobelet parce que là, c'est trop compliqué. Je n'ai pas de bâton là-bas. Ce n'est pas les droïdes que vous recherchez. Ce n'est pas le gobelet que vous recherchez. Les deux hommes à ma droite, là, oui. Oh, garçon, on sait comme pas, vous voulez, fait. Adolescent, qu'est-ce que vous pensez du sujet que je lance, que j'ai lancé? Quel est votre avis sur la question? Pensez-vous que c'est plausible, que c'est de la merde, que c'est une théorie Est-ce que vous pensez que Mario pourrait se poser cette question dans un de ses jeux? Touloulé. Mais s'il est confronté à la mort, moi je pense que c'est important de le savoir. Ouais, parce qu'il y a plusieurs vies. Ça s'appelle un bouffon. Ça s'appelle un bouffon. Ça s'appelle être con. Mathias. Excusez-moi. Je fais tout le temps ça aussi. C'est très chiant. Ça donne trop envie, mais après, elle se casse. C'est très agréable. Mathias un jour sera nominé au Darwin Award. Et c'est impossible de séparer juste avec les doigts. Je vais essayer. Le bout de mes doigts, c'est bleu tellement que j'ai serré. Et mon sang ne circule plus et je suis en train de paniquer là. Ah, c'est bon. Bah, du coup, juste pour moi, ouais, bah. Est-ce que tu es en train de te rendre de base, le cerveau, c'est très complexe. Donc, c'est pas facile d'émettre des choses comme ça. T'as le mec qui fait son analyse scientifique là. Non, moi j'aime bien. Je donne mon avis. Hein. Ah, bah, oui. C'est pour ça. C'est parce que, genre. C'est pas non plus simple de s'y intéresser sans vraiment approfondir, quoi. Mm-hmm. Parce que si tu regardes rapidement, c'est surfait. Après, je pense que. C'est un petit peu mainstream quand même. Ouais, mais ça arrive très souvent, quoi. Enfin, non, mais je plaisante, c'est juste que surfait, ça me fait rire. Du coup, voilà. Voilà, merde. Mais tu me coupes. Merci, Mathias. Sans la fatigue qui monte, quand même. Boutade. Humour. Je me perds. T'en étais à Jean-Luc Delarue. J'ai jamais dit ça. J'ai un peu surfait. C'était surfait. Que c'est surfait qu'il faut plus approfondir pour avoir son avis. Ouais. Voilà. Que moi j'ai pas encore trop regardé, j'ai en avais déjà entendu parler, était dans le délire documentaire. De trucs concrets comme ça, pas juste le fait de dire il y a une lumière au bout du tunnel machin. Bah il y avait surtout le truc des 21 grammes et un peu de se voir du dessus aussi. J'ai lu en fait dans la mythologie nordique, les Vikings et tout là. Ils allaient au Walhalla pour boire. Oui, mais quand ils mouraient sur les champs de bataille, ils disaient qu'ils voyaient les âmes des morts s'envoler en fait vers le. Ils vont voilà. Déjà, en fait. Et en fait, ils disaient que c'était une espèce de lumière bleutée, un halo. C'était l'âme du coup du guerrier et tout qui s'en allait, que les Valkyries étaient venues chercher gentiment. Et en fait, du coup, ils pensaient vraiment que c'était une légende. Et en laboratoire, ils ont constaté ce phénomène. C'est un vrai truc qui arrive quand il y a un être vivant qui meurt. Il y a une espèce de halo bleu qui se met autour de lui. Et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il y a un truc, il y a une lumière bleutée qui arrive. C'est hyper fugace. Ils l'ont fait comment, avec un lapin? Je ne sais pas comment ils ont fait. Plusieurs singes. Mais j'ai lu qu'ils avaient constaté. Ça m'inquiète un peu comme scientifiquement, truc. Ils avaient constaté ce phénomène. Et en fait, les radiations qui sortent de ton corps. Mais du coup, on se peut se poser la question, qu'est-ce que quand c'est quand on veut réfléchir à ce genre de choses, je ne sais pas si tu connais y penser, du coup. Oui, je connais y penser. C'est par exemple un truc qui permet de te dire que tu peux réfléchir pas mal à beaucoup de sujets. Je vais y penser, du coup. Ouais. Waouh. Et oui, c'est surtout ce qu'il dit à la fin de chaque vidéo de cette vidéo. Oui, d'ailleurs. Donc Guillaume n'a rien inventé, pointez-lui. Mais c'est pour ça. Oui, mais c'était une référence à la base. Il y a pas de voilà, du coup, j'ai perdu le fil. Il est parti. Nagui, c'était Nagui. Ah, Nagui. Nagui et Jean-Luc Delarue sont dans une caravane en train de prendre de la drogue. Avec qui est-ce qui tombe en premier de la caravane? Raphaël. C'est pas Raphaël qui chante la caravane? Ah si. Putain. C'est lui ou pas? Faut pas le relancer. Oui, ah, yeah, je me suis pas trompé. Nagui, bah oui, c'est Raphaël. Ça, n'oubliez pas les paroles, quoi. C'est Nagui? Ça part complètement en live. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Ah, il y a du tweet. Je réponds à ta blague. Elle pose bien les messages. C'est quelqu'un qui se plaint. Alors attends, elle a dit le feu follet. Ah oui, le feu follet. Elle parle de ce qui sort de notre corps, l'âme, entre guillemets. Elle dit c'est le feu follet, je sais pas comment ça s'écrit, mais c'est un gaz qui émane du corps et qui se mélange avec l'oxygène, ça fait du feu. Merci. Bah. Non, le feu follet, c'est constaté dans les cimetières ou les marais, les trucs comme ça, où il y a de la matière organique en décomposition. Mais c'est vraiment quand au moment où tu meurs, en fait. C'est pas la combustion. Donc c'est pas exactement pareil. C'est pas exact. C'est la combustion humaine spontanée aussi. Ouais, mais du coup, on ferait. Ça serait un boucher, quoi. Pour se renseigner sur ça. Ouais, parce que je pense que. Dans parce qu'on le a trop de sources. Qu'on m'a fié, et je pense qu'il y a. Aussi... Bernard Werber, c'est celui qui a fait le livre Les Fourmis. Ouais, je connais. Ouais. Oui. J'ai déjà entendu parler. À mon avis, c'est un gars qui doit. Enfin, je pense que. Il doit bien faire des recherches avant de parler d'un sujet. Et vu que là, il met en fiction. Les témoignages du coup sur la propos de la NDE. Je pense qu'il a dit. Je le lirai et je te dirai ce que j'en ai pensé. Pour l'instant, moi, j'apprécie pas trop Werber en vrai. Ouais. Parce que j'en ai lu un pour l'instant et c'était pas. Attends, faut que je retrouve le nom. C'est en plus, il est pas très grand et je crois pas que. Mais c'est pareil en fait. Je crois, j'ai l'impression qu'il a toujours une réflexion dans tous ses livres sur l'humanité un peu et sur des mises en situation. Mm-hmm. Et là, c'était sur les derniers survivants de la Terre qui sont capturés par, en gros, des extraterrestres. Et il y a un homme et une femme, ils se retrouvent dans une boîte et du coup, ils discutent entre eux. Et au début, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, déjà, il me donnait envie, Werber. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé que le propos allait très loin. Et surtout, la conclusion était assez décevante, en fait. D'accord. Après, on m'avait dit du bien des fourmis, donc genre, j'aimerais bien quand même essayer les fourmis, mais... Je pense que je l'ai, je pourrais le faire. Mais celui que j'avais lu ne m'avait pas boosté. C'est sûr. Il faut que je procède à un décalage aussi. Je crois qu'il a, lui, il a un rituel où chaque matin, il va dans son bar et il écrit... Il est très productif. C'est un peu un alcoolique. Quoi. Mais après, je pense que... Mathias. Après, tout le monde va le croire. Dites-le dans les commentaires si vous trouvez que Mathias a une tête d'alcoolique. Hashtag Mathias tête d'alcoolique. Hashtag Team Mathias, faut pas l'oublier. Attends, il y a deux personnes qui nous regardent. Les deux personnes devraient trouver que ta tête ressemble à une. J'aime bien Rémi que quand il prévient, c'est juste parce qu'il est en bas. Ah, d'accord, il est en bas. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? Je suis en bas. Bah, je vais. Est-ce que quelqu'un va aller le chercher? Je ménage la surprise. Je vais le chercher. Ouais, va le chercher. Ça va être cool. Il arrive quand même pile à l'heure, ce Rémi. Il est quand même très très bon. Ouais, mais il prévient pas. Ouais. Non, ça nous a fait flipper hein, pendant. Bien, du coup. Merde, on a perdu une réplique. Ouais, une heure. On aurait été con à meubler une autre heure. Du coup, voilà. Non, mais c'était cool de parler de ça, mais moi je suis très sceptique par rapport à ça. Team Mathias alcoolique, le premier est sorti. Bien, non, ça suit. Faut pas faire ça, faut pas faire ce hashtag à priv. Il va avoir une tête encore vous plus énorme. Vous remarquerez qu'il y a vraiment des gens qui, à cette heure-là, n'ont rien d'autre à foutre que nous regarder. Hein. Ouais. Il va nous faire perdre notre salle. On les embrasse. Ils sont deux. Oh, ils sont trois. Ils sont trois. Oh. Ça fait zizir. Il t'a anticipé. Salut Rémi. Salut Rémi. Tu peux t'asseoir au green mic. Il y a une latte à remettre, non? Oui, il s'enfoncera un peu, c'est pas grave. D'accord. Oui, pour que ça soit plus simple pour toi. Mais oui, je suis intelligent, il y en a qui réfléchissent ici. Tu l'as mis trop. La modestie, la chèque. Merci voilà, Mathias. C'est ça le problème avec Mathias, que tu... Niveau modestie, le mec, il est à chier. Quoi. Oh ça... Et ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il est bordelais, bordel. Non, mais tu vois, ça traduit un manque de confiance en soi énorme. Ouais, grave, grave, grave. Allez, l'analyse de comptoir, quoi. Mais il est content parce qu'on parle de lui. Après, il va dire, j'ai des belles fesses. Bah c'est vrai ça. C'est OK. Aïe aïe aïe. Et d'où tu tiens ça Mathias? D'un petit concours que j'ai organisé l'année dernière. Ah. L'année dernière. Oui, l'année c'est dernière. C'est depuis l'année dernière que tu oui. On est les seuls. Oui. Qui a été le jury de ce concours? Comment ça a été jugé ça? Les BTS image 1 de l'époque, c'est-à-dire nous. Vous avez jugé que tu avais le plus beau cul de ta classe? Oui. Chez les mecs seulement, pas chez les meufs. Non, tout cul confondu. Tout cul confondu, ça j'aimerais bien voir ça. Bah en même temps, Nana, il y a c'est vrai, c'est vrai. Il y a Sophie, Nina et moi. Maintenant que tu mets ta parole en jeu, je te propose que tu nous montres. Non, c'est. Va falloir me que tu montres aux auditeurs. Surtout. Non, mais il a passé toute sa soirée en fait à le montrer. À passer devant la caméra. Si on parle de tes fesses, on gagne au moins 3 auditeurs. Regarde, là on est à 4 toujours, hein, bientôt à 7. Il n'y a pas eu des nouveaux, ça, des nouvelles intercommunications. T'as plus de gens. Ouais. Les gens ne communiquent pas assez. Gens ne communiquent pas assez d'ailleurs. Et les gens ne communiquent pas assez à 10h-5 un samedi matin. Ouais, je trouve ça dommage. C'est un peu comme les gens qui répondent pas au téléphone à 7h le matin. Ouais. Hein. Faut pas déconner. C'est honteux. Et les bouchers qui t'envoient chier le matin, je trouve ça honteux. Ça marche pas comme ça. C'est révoltant. Il y a vraiment aucun respect. Faut pas s'enfoncer dans le. Ouais, fais attention. C'est qu'il manque le trou du. Ouais, il manque des lattes. Ça c'est un peu t'es un gène en place parce que là, il est un peu gros sac qui s'affale. Alors, il arrive tout de suite, il casse quelque chose. On a encore perdu un auditeur. Oh. Et voilà. Non, reviens, je suis sympa, Rémi. Non, non, non. Ça, c'est l'effet Rémi, ça, je pense. Mais non, regarde, il n'était pas encore arrivé. Hop, ouais. Là, il s'assoit. Et voilà. Voilà. Et on a repris un auditeur. Vous voyez ? Et voilà. Tout est dans le timing. Ouais, c'est formidable. Non, je pense qu'il a une connexion à Internet qui. Ouais, qui a chié. Il est connecté sur le Wi-Fi du voisin, de la voisine, du voisin. C'est beau, Pierre. Pierre, il est tout triste. Pierre, il a des petits yeux. Pierre, ouais. Il est extrêmement fatigué. Il est en mode. Breton passé. Je pense que Pierre, je pense que tu vas faire une dépression dans pas longtemps. Oh non. L'empereur. En plus, il a dû supporter toutes nos conneries. Ouais, tout le temps. C'est surtout ça en fait. Sans pouvoir remplacer. Pour de la nuit. Moi, je dis bravo, ouais. Bravo. Merci à Pierre. On n'y pense pas assez. Hein. Mais je pense que pendant l'heure de fin, on va faire des dédicaces à tout le monde et tout. Ça va être génial. On mec derrière. Ça va être trop bien. Je propose une heure d'applaudissements. Ouais, allez, on commence maintenant. Et on loupe, meublé, comme quoi. Ça on n'a pas à faire. Du coup, il reste 5 minutes. 15 ans d'autres. Ouais. C'était quoi ce bruit? Oh, ton visage est génial. Voilà. Attendez, je veux le voir parce que je l'ai loupé en vrai. Alors, hop, il y a du bruit. Attention. C'est très drôle parce qu'après, les gens vont nous voir, nous regarder. T'as 30 secondes. Ah, radioception. Hop. Hop là, attention. Hop, on va faire et comme après, si j'avais pas vu. Regarder se regarder. Du coup, je vous propose de nous regarder quand on se regarde, Du coup, bon, on va faire 5 minutes de ça. Voilà, tu vois. Ça me fait penser aux vidéos du Suricate où il y a des doubles de ouais. Qui regardent là. Est-ce que ça risque pas de faire de l'arsène vidéo de créer une réalité alternative? Je sais pas, mais ça serait formidable. Genre des nous. Mais des moi, mais en moins bien, quoi. Parce qu'on peut pas faire mieux que moi. Mais... Un toit pixelisé, quoi. Cœur ouais, voilà. On envoie des. Voilà, envoyez vos cœurs à Pierre, envoyez vos dons aussi. Peut-être que ça l'aidera un peu plus que des cœurs. Oh, c'est le Téléthon, envoyez vos dons à Pierre. Pas être que gentil. Bon. J'ai l'impression que ce micro sent le shampoing. C'est celui de. C'est celui de Wefels. Eh bien, je pense qu'il a mangé du shampoing. Ah, c'est possible. Il y a Victor aussi, je le voyais, il était totalement tout le temps en train de manger son micro comme ça. Okay. Mais on roule bien le palo, okay. Un micro. Hein. Ouais, non, mais Raphaël s'est un peu acharné sur ce micro aussi pendant le blind test. Ouais, très ça, je te propose d'en parler pour leur finale, parce que sinon, on n'aura plus rien pour leur finale. C'est vrai, mais si on garde tout pour leur finale, là, pour le moment, on va rien avoir. Si, il y a Rémi. Il y a Rémi. Ah oui, pardon. Rémi, tu vas nous parler de toi, c'est ton heure. Ouais, c'est mon heure. Enfin, mon heure est venue. On a ouais. Eu un nouveau tweet, excusez-moi, avec un cœur, donc j'ai senti je l'ai déjà dit. C'est trop tard, Eve. Tu es dans le passé, excuse-moi. Mais parce que je suis dans la vidéo. Eve, elle est dans la vidéo de la vidéo de la vidéo. Du coup, elle a 1 minute 30 de retard par rapport au... Tiens, on a changé nos places. Oui. Merci, Eve. Mais merde, mais il fait plus nuit dehors. En quelle année sommes-nous? En 1987. Ah, mais je suis pas né, moi, du coup. Ouais, je suis pas né non plus. Moi non plus. Par contre, les poissons, ils le sont. Bon, les poissons, hein. Tes poissons le sont. Ouais, pas né. Oh ah bien. On a gagné un visionnage. Très bonne blague. Non, non t'étais pas obligé de revenir au moment où on faisait la pire blague. Tu sais, c'est comme des petits gamins qui font des bêtises. Ah, c'est pas faux. Qu'on les regarde. C'est pas faux, c'est pas faux. Il a besoin d'attention. Il a besoin d'attention. Voilà. Mais il faut savoir tenir les auditeurs. Hein. Et on applaudit les auditeurs pour l'enquête. On applaudit les auditeurs, ouais, on vous aime les auditeurs, vous êtes géniaux. Ils sont 5, on vit grâce ils sont à vous. Tu peux faire tourner un peu les céréales, s'il te plaît. Une deuxième tournée de céréales, s'il vous plaît.